Bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. On commence ce soir avec Carfagen, la formation ukrainienne, et on pourrait peut-être ajouter un qualificatif, cette prolifique formation ukrainienne menée par Anthony Kalugin. Et c'est le 15e album pour Carfagen, et il a pour titre Passage to the Forest of Mysterious, un disque qui est accompagné d'un disque bonus, ni plus ni moins. C'est une version instrumentale, une nouvelle version instrumentale de l'album Birds of Passage, paru en 2020. Et puis après, on se dirige vers le Brésil, n'est-ce pas, Marc? Oui, ce sera avec l'excellente formation Caravela Escarlache, tirée de leur plus récent album, 3. On aura la pièce Cruz da Ordem. Ce sera suivi d'une formation de l'Allemagne, Sen Project, tiré de leur plus récent album Tales from Avalon, et c'est le projet de Chris Angels ou Chris Angels. Il se produit sous ces trois noms. Alors on aura pour vous la pièce Peace on Avalon, mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord avec la nouveauté de Carfagen. Thank you.

prochaine demi-heure, on aura trois extraits d'albums de La Maschera di Cera, un groupe qui, je vous le rappelle, nous visitera à Québec le 21 mai dans le cadre de la 16e édition du festival Terra Incognita. La formation italienne en sera à sa toute première visite à Québec et c'est son seul concert en Amérique du Nord, donc une occasion à ne pas rater. Le 21 mai, ça se passe à la chapelle de spectacle à Vanier et il reste encore des billets pour ceux qui seraient tentés de vivre l'expérience. D'ailleurs, ça va être une soirée italienne en quelque sorte parce qu'on va voir aussi tout juste avant Quel Che Dice Il Tuono, groupe formé par des membres de Unreal City et Sailor Noise. Et on aura des extraits, donc, je disais, de La Maschera di Cera, ce sera The Gates of Tomorrow, on aura deux pièces, et un album paru en 2013, et c'est un peu comme une suite, une proposition, une suite à le fameux légendaire album Felona e Sorona de Lee Ormé. Et puis on aura aussi un extrait de l'album S.E.I., album paru en 2020 et album que le groupe devait nous présenter sur scène et ben, malheureusement on connaît la fatidique histoire de 2020, mais le groupe se reprend cette année, donc 3 ans plus tard, on aura une présentation de l'album le plus récent de la formation italienne. Et puis par la suite, ben, on continue en Italie, Marc. Tout à fait, il s'agit d'une formation qui a fait paraître son premier album en 2022, Limite a qua se cure, leur excellent album éponyme, et on aura la pièce Fiamme intorno, mais tout d'abord... On débute avec l'excellente formation italienne, La Maschera di Cera. Thank you. Greystone, high from the skyline, approach as to greet us. You're the one who has the power to join.

I am not a robot, and this is not a simulation. I am Alex from Overhead. You are listening to Terra Incognita, direct from Quebec City. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura deux formations italiennes. Entre autres, on aura le groupe Ego qui a été formé en 2005, qui ont 5 albums à leur actif, dont leur plus récent est paru en 2014. Nous, on aura un extrait de leur album Evoluzione delle Forme qui est paru en 2011, qui était leur 4e en carrière. Et la pièce Meditatio Mortis, c'est un rock progressif instrumental. Juste avant, on aura Steven Wilson, tiré de son 3e album, The Raven That Refused to Sing, paru en 2013, celui qui est considéré par plusieurs comme son plus progressif. Et de cet album, on aura la pièce Drive Home. On aura également la formation italienne L'Albero del Veleno, qui a fait paraître son plus récent album en 2017, c'était son second. Intitulé Tale of a Dark Fate, on aura la pièce Atropos. Mais tout d'abord, Michel, on débute avec une formation originaire de la Russie. Oui, un groupe qui a pour nom Raz Vitalis, un groupe formé en 2001 par le claviériste et compositeur Ivan Rozminski. Il y a un groupe qui est assez prolifique, qui a déjà une dizaine d'albums à son actif et autant d'albums en concert. Et on va écouter un extrait de leur plus récent album paru en 2018 et qui s'intitule The Iron Man of the Art. Thank you.

clear away all the chits of in your brain and face the truth. Well, I can make amends while the darkness always ends. You're still alone, so try. Try. Pour le prochain bloc musical, on poursuit notre voyage en Italie avec la formation Logos, qui a été formée à Vérone en 1996 et qui faisait paraître en 2014 leur troisième album, l'excellent L'Enigma de la Vita. Et on aura une très belle pièce de cet album intitulée Venivo da un lungo sonno. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation plutôt connue qui est originaire du Royaume-Uni. Oui, on peut dire que c'est un groupe qui se passe de présentation, Big Big Train, et on va écouter un extrait de leur album Folklore, leur 10e album studio, et la pièce a pour titre Wassail. A glass to these. Stand fast and strong, bow and leaf bear fruit to plenty. In Eden gone when the world was young, paradise was where it all began. Just one bite was all it took, expulsion and the fall. A sign of who we are. protetto, protetto da una coperta di lana. La strada mi correva sotto rapida, mi giungeva il suono di un coglio in una lingua. Pour ce bloc musical, on vous présente une pièce de Birdfish, le troisième album studio de ce groupe, Sleeping in Traffic Part 1, et c'est la pièce Roulette. Et il y a un lien avec la pièce qui a amorcé ce bloc, c'est-à-dire Big Big Train, puisque lorsque Birdfish s'est séparé, il a rejoint les rangs de Big Big Train. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous. Merci d'avoir été des nôtres et on vous laisse avec Roulette.

love left here, master of disguise. I've been in your sky and you weren't there. Political warfare, and it's what's gonna kill us all.